Superbok la carai, la carai, la Superbok. Sorry, PD. J'ai pas des fesses à ma voix, j'ai de la réverb, comme Claude François. Moi je suis pas portugais, mais je connais plein de portugais. Je porte la Superbok. Portugais. Moi c'est le chantier, je défonce tout. D'accord? Moi je suis le patron, ok? Et je retourne au bled avec le Mercedes, ça c'est la réussite.